10h38. Ça a passé quand même il y a quelques jours de ça. Je sais qu'Adrien Pouliot tantôt va en jaser, mais je l'avais entendu un extrait ou deux, mais j'avais pas vu le visuel de ça. Quelle mise en scène ridicule, mais quelle décision dangereuse aussi et louche de Télé-Québec d'inviter Gabriel Nadeau-Dubois, un gars qui a le droit de vivre, là. Oui. Un gars qui a le droit de vivre. Il a publié son livre. Il faut apprécier le débat que ça provoque au Québec. Alors, on n'est pas en Iran, là. Non, non. Et j'adore le débat que ça provoque. Mm-hmm. Mais il y a une marge entre lui invité à Tout le monde en parle, lui invité à une tribune comme à LCN ou d'autres shows d'affaires publiques, oui, oui. Denis Lévesque, etc. Show d'entrevue, show de show d'entrevue. Et d'utiliser ce gars-là comme une espèce de symbole de la jeunesse, mais de l'amener dans un forum d'écoliers. Une émission jeunesse. D'école primaire. Ouais. Pas cégep, là. Primaire. Non, une émission jeunesse, jeunesse. Alors, l'âge de mes gars, 7-8 ans, exactement. Exact. Où il est clairement dépeint comme quasiment le sauveur du monde. C'est le Che Guevara. C'est un héros national. C'est un héros national. Une chance qui est là parce qu'on a une bonne éducation grâce à lui. Lui s'est battu contre le gouvernement. Ben oui, mais le gars, il a violé des ordonnances, des ordres de cours. Il a empêché du monde de suivre leurs cours. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais attends un peu. Au-delà de ça, je m'excuse, il était leader d'un mouvement qui était sur le bord de très agressif, en tout cas. Je vais dire quelque chose de pas correct, mais très, très agressif, là. Tu sais, quand ça sortait la... Lui, je m'excuse, là, mais c'était la gang des agressifs, là. C'était pas la gang à Léo, là. Porte-parole de l'AC. C'était la classe, là. La classe, exact. Les deux porte-parole qui gueulaient. Ça, la classe, c'est la gang qui se mettait des masques puis qui lançait des affaires aux polices, là. Pas toute la gang, là, mais il y en a... Non, pas toute la gang, là, mais on oublie vite, là. Les obéissances. Il y a eu des affaires graves qui sont passées, là. Des bris de commerce puis le pétage de vite. Eux appelaient ça de la désobéissance. Et eux se comparaient à du... Martin Luther King, eux l'ont fait, les Noirs, dans le sud des États-Unis. Gandhi l'a fait. Alors qu'on était dans une société occidentale où on parle de droits de scolarité, de frais de scolarité. Et là, on rouvre le débat, là. Je vais pas partir pendant une demi-heure là-dessus. Mais, en ce qui me concerne, c'est un contrat. T'as payé pour un cours, tu y as droit. Ils ont empêché des jeunes de suivre leur cours. Ils ont bloqué des entrées d'université. Ouais, mais c'est parce que là, regarde, on va écouter un extrait, là. Ça, c'est dans un forum jeunesse. Ouais. OK, c'est quoi ça, le nom de l'émission, là? Je l'ai oublié, là. C'est à Télé-Québec. C'est des enfants, en fait. On invite des gens, des artistes ou des politiciens ou n'importe qui, là. Puis là, les jeunes peuvent poser des questions. Exact. C'est les jeunes ont été briefés. Les jeunes ont été préparés. Et les jeunes ont déjà leur idée de tout fait. Sur les GND. Il n'y a pas un jeune qui va se lever pour avoir l'opinion, pour exprimer l'opinion de Maurras, là. Non. Ou on l'invitera pas non plus. Un jeune dont le parent dis-moi tout, a peut-être été brimé. C'est l'unanimité. Tout le monde est pour GND. C'est un saint homme. On va écouter deux extraits. Ça, c'est sa présentation, OK? Des enfants qui présentent l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons présenter Gabriel Nadeau-Dubois. Incroyable. Avant le printemps 2012, personne ne connaissait. Sa vie a changé à cause d'une grosse chicane au Québec. En 2012, les étudiants étaient fâchés contre le gouvernement. Ils ont décidé de faire la grève. Faire la grève, ça veut dire bouder, mais en équipe. Au lieu d'aller à l'école, les étudiants marchaient dans les rues avec des pancartes, des chaudrons et des mascottes. Gabriel était un des porte-paroles des étudiants. Alors, il parlait beaucoup, beaucoup. À la télé, à la radio, dans la rue, il parlait partout. Et tout le monde s'est mis à parler de lui. Lui, il aimerait aller à l'école gratuitement et très longtemps. Très longtemps? Ça veut dire combien d'années après la troisième année? Une propagande incroyable. C'est une propagande incroyable. Non, mais, hey, man, c'est incroyable. Le monde des fées et des lucioles avec un arc-en-ciel, là. C'est du lavage. Ça n'a aucun sens. De cerveau. Si tu racontes une histoire, raconte-la au complet. Non, raconte-la non, au complet. Des affaires de 7 ans. Mais ça, tu l'invites pas, ça finit là. Tu racontes pas cette histoire-là. Je suis d'accord. Mais advenant le cas que tu l'invites, Jean-Claude, tu racontes l'histoire au complet. Oui, mais en même temps, tu peux pas faire dire aux enfants, ils ont lancé des briques, tu sais. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, pas, c'est okay. Correct. On en reparlera quand t'auras 13-14. Ou t'auras du jugement pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est ça. Dans la nuance, parce qu'effectivement, t'avais des carrés rouges qui, du fond du cœur, exprimaient une... Mais ça a dérapé vite, le mouvement. Souvenez-vous de la Convention libérale. C'était à Victo, à Drummond? À Victo. Et en partie, à cause de la classe. Moi, c'est là-dessus que je tic, là. Ça avait été Léo Bureau-Bloin, moi, je t'aurais pas passé d'extrait, là. J'aurais dû dire, correct, là, garde Léo, là. Mais les deux sont en conflit, de toute façon. Les deux se parlent plus, là. Non, Léo mais peut-être avec raison, là. Exact. Mais là, écoute, les enfants, il y avait des mascottes dans la rue. T'as peu, là, body, là. C'est parce que t'as pas vu les mêmes images que moi, mais il y avait du gaz poivre, des boules de billard, des matraques, des masques noirs, des bâtons. Puis ça se tapochait, là. C'est ça. Donc, on occulte, on tronque une partie de l'histoire. Ben là... L'autre partie tronquée, c'est... Oh, il est tellement fin, il voulait que ça soit gratuit! Il voulait que ça soit gratuit, mais il va aller à l'école longtemps! Il va aller à l'école longtemps et gratuitement, non, bravo! Tout le monde prend une bonne éducation puis qu'on aille à l'école longtemps. Mais il y a des nuances. Au Québec, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Le système est sous-financé. Mais là, tu peux pas rentrer dans ce genre de discussion-là avec un enfant de 6 ans. Ben, c'est pour ça que je te dis que ça aurait dû être une réunion d'équipe. Dire, on peut pas l'inviter parce que là, pff, ça n'a pas de bon sens. Quand même incroyable. On va écouter un autre extrait puis on va aller à la pause par la suite. Oui. Mais c'est France Beaudoin qui anime l'émission Dis-moi tout. Ah oui? OK. Dis-moi tout à Télé-Québec. Ouais. On écoute. Ben merci d'être là. Surtout que t'as des jeunes qui sont vraiment très intéressés, très curieux. Oui, et très curieux de politique aussi. Toi, t'étais content de co-animer cette émission-là, entre autres, hein? Ouais, ben parce que j'ai un peu suivi ce qui se passait durant le printemps érable. J'ai lu les 2/3 de ton livre. J'ai pas eu le temps de le finir avant l'émission. Félicitations. Et on n'a pas demandé de faire ça. C'était pas obligatoire. Non, c'était pas un passage obligatoire. Quel âge? Non, c'était pas un devoir. Peux-tu l'arrêter? Pas du tout. Il t'a tapé de la casserole. Ouais, j'ai brisé 3 cuillères en bois. Tu vois? Tant que tu brises pas les casseroles, c'est que c'est pas fait pour ça, les casseroles, voyez-vous. C'est fait pour cuisiner. Alors que je sais que vous étiez sûr que la seule utilité, c'était pour manifester. Mais dans la vraie vie, c'est fait pour cuisiner. Alors oui, on en brise, on en tord, on en magane. Mais je sais pas quel âge, là, mais il y a pas 13 ans, là. C'est du 10 ans et moins. Pour comprendre le livre, bien oui, lisez le livre. On n'est pas à Téhéran. Vive la multiplicité des points de vue. J'ai aucun problème avec ça. Mais jamais je donnerai ce livre-là à mon gars. Comme j'y ferai pas lire les livres d'Éric Duhaime non plus. Tu comprends-tu le point? Ben oui. Calvert, il y a 8 ans. Des jeunes, lit des Lucky Luke. Des jeunes très... Là, elle dit en plus... Faut que tu contextualises. Ben, les jeunes sont très intéressés de te voir. Pis ça, très politique. Tu fais là, de quoi tu parles? Moi, tu peux pas jaser avec un enfant de 8 ans de politique. Voyons, non! Tu y vas dans les grands traits, par exemple, il y a eu la campagne électorale, mon kid avait quoi, 7 ans? Ah, bon, oui, tu y expliques. Il voit le débat, puis tout ça, tu expliques les enjeux, mais t'embarques pas dans un débat de société, puis un débat philosophique. Ça, c'est un débat de société, carrément. Donc, c'est devenu un instrument légitime. La casserole, c'est drôle. Ah, il voulait aller à l'école longtemps, c'est drôle. Ah, la gratuité, c'est drôle. Ah, il est donc bien bon, puis il est donc bien fin, puis il passait à la TV, puis il travaillait en équipe, hein? Ils l'ont dit dans le premier extrait. Travaillait en équipe. Mais c'est non. Il est fin, il une grève. D'ailleurs, on fait la grève. Je m'excuse, là. On fait des manifestations. C'était pas une grève, exact. OK. Ce n'était pas une grève. Bon. Mais certains diront que c'est une grève. Mais là, c'est un débat. Et une grève, c'est quoi? C'est comme quand on boude, mais en équipe. Pour vrai. C'est quand même incroyable. Un adulte qui a écrit ça, qui a fait lire ça à l'enfant, là. C'est quand pas même les enfants incroyable. Qui ont écrit ça, là. Faire une courte pause. Mais qu'est-ce que vous en dites? Live à TraduX.com.